طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans le livre Sharh Adab al-Mashi ila al-Salah. Et c'est dans le fiqh, donc le fiqh de Salat wa al-Siyam wa al-Zakat. Et là on est dans l'explication, wa alaykum salam wa rahmatullah, l'explication des règles de la salat. Et on avait expliqué, on était dans le chapitre sur sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qu'on a expliqué au dernier cours? On expliquait, bon, là où on est rendu, c'est ici. Le cheikh, il lit la parole de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et c'est le sharh de cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Donc, il dit ici, وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُدِ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا وَيُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيُخْرِجُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَجْعَلُ إِلْيَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ويأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. Donc le cheikh, il explique ici que quand tu t'assois pour le deuxième tashahud dans la prière, que ce soit une prière qui a trois rak'at ou quatre rak'at, hein, comme la prière de Maghrib ou la prière de Zohor, Asr et Isha, donc tu t'assois pour le deuxième tashahud. Il y a un deuxième tashahhud. Donc dans le deuxième tashahhud, la façon dont tu dois t'asseoir, c'est la façon qui est appelée at-tawarruk. Donc tu t'assois mutawarrikan. Et at-tawarruk, c'est le fait de s'asseoir sur al-wirk. Al-wirk, c'est la fesse. Donc tu t'assois sur ta fesse gauche. Et je vais vous faire l'exemple pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Tawarruk, c'est le fait de s'asseoir comme ça. Et en principe, on soulève le pied droit. Moi, j'arrive pas à lever mon pied droit. Mais bon, le pied devrait être droit. Et puis, tu laisses sortir ton pied gauche. Ça, c'est pas tawarruk. Ça s'appelle al-iftirash. Ça, c'est al-iftirash. Al-tawarruk, c'est al-julus ala al-wirk. Ça, c'est al-tawarruk. Ça, c'est al-iftirash. Muftarishan, c'est comme ça. D'accord? Comme ça, quand tu t'assois sur ton pied et ton pied est sur le sol, ça c'est iftirash. Tawarruk, c'est quand tu t'assois complètement sur ta fesse. C'est comme ça. Donc tu es sur ton pied, oui, en dessous de ton pied, comme ça. Deuxième tashahhud, ce serait comme ça. Et les malikis, eux, ils le font même entre les deux tashahhud parfois. Je ne sais pas si vous avez vu en Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas remarqué? Non, on fait comme ça. Oui, c'est ça. Mais si vous voyez, par exemple, en Afrique, et c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, Tawarruk. Donc, bon, c'est une question d'habitude aussi, hein. C'est une question d'habitude. Je sais pas si vous avez, en tout cas, j'ai observé beaucoup les frères qui prient, par exemple, les Maliens, les Sénégalais, et même des fois les gens du Maroc, ils s'assoient comme ça, tawarruk tout le temps. Même pendant les différentes positions de la prière, entre deux soujoud, hein. Et j'ai vu même, il y a des chouks de cette région-là du monde, j'ai vu comment ils prient comme ça. Et quand on a fait le dars de Umdatul Ahkam, les hadiths de Ahkam, on a lu des explications sur ça. et les divergences des ulama sur cette question. Et il y en a qui considèrent que le premier tashahhud, on s'assoit iftirashan, muftarishan. Et muftarishan, on l'a expliqué, c'est quand tu t'assois sur ton pied gauche et que ton pied gauche est couché sur le sol, le dos de ton, le long de ton pied gauche est allongé par terre, et toi tu t'assois sur le, ton pied, sur la courbe là, du pied, tu t'assois dessus, puis en même temps, en, pendant ce temps-là, ta jambe droite est pliée, et ton talon est soulevé, puis tes orteils sont plantés dans le sol, pointés vers la Kaaba. Donc ça c'est l'iftirash. Al-tawarruk, c'est al-julus al-wirk. Ça veut dire que tu es assis directement sur la fesse, et non pas sur le pied. C'est ça la différence. Et c'est ça, donc la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait comme ça pour le deuxième tashahhud. Bien entendu, des fois, si tu es dans les rangs et qu'il y a des gens qui sont assis à côté de toi, il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut tenir compte de ça aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent à tout prix faire un tawarruk et ils sont dans les rangs et ils vont écraser les gens à côté d'eux pendant la salat. Et ça, c'est pas correct. Donc il faut faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait linu bi aidi ikhwanikum. Soyez doux à côté de vos frères pendant la prière. Tu vas pas faire exprès pour écraser tes frères pendant que tu fais la salat. Ou bien aussi quand ils font la salat, la sunna, vous savez que c'est d'écarter les mains et les bras sur le côté du corps pendant le sujoud. Mais ça, bien entendu, pendant que tu pries tout seul, si tu es imam, tu peux le faire. Mais si tu es en train de prier que tu es à l'intérieur du rang et qu'à côté, à gauche et à droite, il y a des gens et que toi tu insistes à vouloir absolument écarter tes bras toute la largeur, tu vas gêner les gens qui sont à côté de toi. Dans ce cas-là, il faut tenir compte de ça aussi. D'accord ? Donc c'est ça. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا ويفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. OK. Donc comme j'ai expliqué, le tawarruk, tu t'assois sur ta fesse gauche, tu passes ta jambe gauche en dessous de ta jambe droite et tu par contre, en tout cas, c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça. Tu le fais sortir du côté droit. Tu fais sortir ton pied gauche en dessous de ta jambe droite sur le côté. Puis ta jambe droite, elle est pliée sur le côté et ton talon est surélevé. Hein, ton pied, c'est comme s'il était perpendiculaire avec le sol. Non. Et il dit voyage à Iliyatahu ala al-ard. Donc quand tu es assis sur ta fesse, c'est comme si on peut dire que tu es assis en tout cas je sais pas comment expliquer ça. En tout cas je vais voir le shir comment il va l'expliquer, je vais vous donner des détails là-dessus. Parce que l'Iliya c'est quoi? C'est le scrotum, hein, le scrotum, il le met par terre. C'est ça que ça veut dire, si tu le traduis littéralement. Et il dit, ثم يأتي بالتشهد الأول. Donc, il fait le premier tashahhud. تحية لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc qu'est-ce qu'on appelle aussi الصلاة الإبراهيمية. نعم. ثم بالدعاء. Donc après avoir fait تشهد الأول والثاني, et là tu vas faire des dua. Tu peux faire d'autres doigts. Tu peux dire, par exemple, tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Tu dis par exemple, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, par exemple. Puis tu peux faire d'autres du'as aussi. Thumma yusallim. Puis ensuite, après avoir fait les du'as, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, ça aussi j'avais oublié. Le du'a que tu fais aussi, comme tu dis, les quatre, tu demandes protection contre les quatre choses. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Ça c'est les quatre choses que tu demandes, la protection après avoir fait les deux tashahhud. Puis tu peux faire d'autres du'a aussi. Naam, c'est vrai. Et ensuite il dit donc Cheikh il explique tout ça maintenant, le passage qu'on vient de lire. Il dit يجلسوا في التشهد الثاني في صلاة المغرب والصلوات الرباعية متوركا ناصبا قدمه اليمنى قاعدا على مقعدته لحديث أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى سأسيا الافتراش وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليمنى اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته المقعدة يعني sur ses fesses يعني رواه البخاري وحاصل ما تقدم أن المصلي يجلس متوركا في التشهد الأخير في الصلوات التي لها تشهدان وما سوى ذلك فإنه يجلس مفترشا يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وتكون الرجل اليمنى منصوبة مستقبلا بأصابعها القبلة في جلسات الصلاة كلها. Donc le cheikh il résume qu'est-ce qu'on a expliqué. Il explique, il mentionne des hadiths à ce sujet-là. Donc il dit, donc dans le deuxième tashahhud, pour la prière de Maghrib et les prières de quatre rak'at, tu t'assois mutawarrikan pour le dernier tashahhud. Mutawarrikan, on l'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Et il dit, c'est basé sur le hadith de Abi Humayd qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans son hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, il dit lorsqu'il s'assoyait après deux rak'at, hein, il s'assoit sur son pied gauche et il dresse son pied droit à côté, hein, le côté droit. Donc il s'assoit sur le pied gauche, ça c'est al-iftirash. Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est cette forme de s'asseoir, c'est al-iftirash. Et si vous voulez, même je vais vous mettre un tableau, une feuille avec les descriptions des positions des pieds pour les prières et le nom de chacun. J'ai les photos de ça, donc je vais vous faire la photo puis je vais l'afficher là-bas inshallah. Donc ça va être plus facile à comprendre. Il dit فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَ وَنَصَبَ الْيُمْنَ. Donc et quand c'est la dernière rak'at, eh bien il s'assoit sur sa fesse et il dit قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَ وَنَصَبَ الْأُخْرَ وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. Donc c'est ça. Sa jambe droite, elle va toujours rester pareille comme quand il fait l'iftirash. Sauf que pour la qu'est-ce qui est de la position de la façon de s'asseoir, au lieu de s'asseoir sur son pied, il s'assoit pas sur son pied, il s'assoit sur ses fesses. Puis il laisse sa jambe droite et son pied droit, sa jambe gauche et son pied gauche pardon, en dessous de sa jambe droite. Hein. Et donc ça c'est la façon dont on s'assoit. Après il dit. وحاصل ما تقدم أن المصلي يجلس متوركا في التشهد الأخير. Donc pour le dernier tashahhud, la sunna, c'est de s'asseoir de la façon qu'on appelle tawarruk. D'accord? Mais c'est possible que parfois, pour différentes raisons, quelqu'un ne puisse pas s'asseoir de cette façon-là pendant la prière, à cause que c'est par exemple très difficile pour lui, ou bien pour d'autres raisons de santé. Par exemple, des fois, si quelqu'un il a du mal à se mettre dans cette position-là, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal pour lui s'il ne s'assoit pas comme ça. Ou bien lorsque, par exemple, la personne est dans la prière et qu'il est dans les rangs et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, ce n'est pas nécessaire pour lui de faire tawarruk, puisqu'il risque d'écraser les autres. Donc c'est mieux pour lui dans ce cas-là de faire al-iftirash, hein. Et il dit na'am وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا. Dans le reste de la, dans les autres cas, il s'assoit sur son pied gauche. Il fait l'iftirash. وَتَكُونُ الرِّجْلُ الْيُمْنَ مَنْصُوبَةً وَمُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَ. Donc ton pied droit, il va être dressé, les orteils sur le sol, pointés vers la qibla. Les orteils pointés vers la qibla. Et le pied droit, le pied gauche, tu t'assois dessus. Wa ya'ti al-musalli fi at-tashahhud al-akhir bit-tashahhud was-salat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wad-du'a was-salam kama fa'ala fi as-salat ath-thana'iyya. Donc ça on l'a déjà expliqué quand on a fait l'explication du tashahhud pour une prière qui a seulement deux rak'at. Et donc on a expliqué les deux tashahhud. Et on a expliqué le doigt et at-taslim, comment ça se fait. Donc, le cheikh, il ne va pas répéter ce point-là. Il dit, وَقَوْلُهُ وَيَنْحَرِفُ الْإِمَامُ إِلَى الْمَأْمُومِينَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَا يُطِيلُ الْإِمَامُ الْجُلُوسُ بَعْدَ السَّلَامِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا يَنْصَرِفُ الْمَأْمُومُ قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي إِمَامُكُمْ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. Donc ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que après la salat, quand on prie en groupe, l'imam, il doit se tourner vers les gens. Soit il se tourne vers la droite ou il se tourne vers la gauche. Ou bien il peut aussi se tourner en droit face à eux. Et il va pas s'asseoir, il va pas rester longtemps assis en face de la qibla après avoir fini la prière, après avoir fait le taslim. Donc si l'imam il termine sa salat, il fait le taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, il va être en face de la qibla, hein. Il va pas rester longtemps comme ça assis en face à la qibla. Il va se tourner. D'accord? Et les gens ne doivent pas s'en aller avant que l'imam se soit tourné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, je suis votre imam, ne me devancez pas, ni dans le recours, ni dans la prosternation, ni dans le fait de s'en aller, hein, de se tourner pour partir. Et les ulama, ils ont mentionné parmi les raisons de ça, c'est que si par exemple, supposons que l'imam il termine la salat, puis il se rappelle qu'il a fait une erreur, qu'il a oublié quelque chose. Donc là, il va faire sujoud sahou. Mais si la personne, elle s'en va tout de suite, directement, elle ne va pas pouvoir profiter de ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, attendez jusqu'à ce que l'imam se tourne. Puis là, après, vous pouvez partir. Il dit, wa ba'da salam, donc le cheikh Mohammed, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il explique ce point-là. Il mentionne des points à ce sujet-là. Il dit, premièrement, بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله ولا يلتزم إحدى الحالتين. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره رواه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره ولا تنافى بين أو ولا تنافي بينما جاء في الحديثين من ذكر الكثرة لأن كل من الصحابيين أخبر بما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que après le taslim, l'imam se tourne soit à la gauche soit à la droite. Il dit que يعني, il faut pas qu'il fasse toujours se tourner du même côté tout le temps. Il doit changer de temps en temps de côté. Des fois à gauche, des fois à droite. Et il mentionne la parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui disait que l'un d'entre vous ne donne rien de sa prière au shaitan en pensant que c'est un devoir pour lui de se tourner uniquement vers la droite. Parce qu'il dit, j'ai vu souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourner vers la gauche. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le Sahih de Muslim, c'est rapporté selon As-Suddi qu'il a dit que j'ai demandé à Anas comment je dois me tourner après avoir fait la prière. Hein? Il dit, est-ce que je dois me tourner à la droite ou à la gauche? Et il a dit, le plus souvent que j'ai vu faire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se tourner vers la gauche. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths par rapport à la quantité de fois ou le nombre de fois, puisque les deux compagnons ont mentionné ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont su du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, il dit: wala yutilu al-imam al-julus ba'da as-salam mustaqbil al-qibla bal yajlisu qadra ma yaqul Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. ثم ينصرف ثم ينصرف لحديث عائشة رضي الله عنهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. Donc quand l'imam il a fini de faire le taslim, il va pas rester assis face à la qibla pendant longtemps. Il va s'asseoir le temps de dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ça c'est le dua que tu dis après la prière. Après tu dis astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et là tu te tournes. D'accord? Et ça c'est rapporté selon le hadith de Aisha radiallahu anha. Elle a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'assoyait, lorsqu'il faisait le taslim, il s'assoyait le temps de dire cette parole-là. Ok? Et le troisième point que le cheikh a mentionné à ce sujet, il dit: wal hadith akhrajahu muslimun fi sahihihi an Anas radiyallahu anhu qala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin falamma qada as-salah aqbala alayna biwajhihi faqala ayyuhan nas inni imamukum فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف الحديث والمراد بالانصراف السلام لأنه ذكر مع الركوع والسجود والقيام وقد فسره النووي بذلك في شرحه هذا الحديث في صحيح مسلم ويدل له حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. Donc c'est ça. Le cheikh il dit après que c'est rapporté par Muslim selon Anas radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous un jour, puis lorsqu'il a terminé sa salat, il s'est tourné vers nous avec son visage et il a dit: oh vous les gens, je suis votre imam, ne me devancez pas ni dans le recours, ni dans le sujoud, ni dans le lever, le fait de se lever debout, et ni dans le fait de s'en aller ou de se tourner après le taslim. Et il dit qu'est-ce qu'il voulait dire dans le fait de se tourner, c'est dans le fait de faire le salam, parce que c'est mentionné dans le contexte du recours, du sujoud et du qiyam. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est de ne pas précéder l'imam dans le taslim. Et ça c'est l'explication de l'imam al-Nawawi, c'est comme ça qu'il a expliqué cette parole dans son charh de Sahih Muslim, lorsqu'il a expliqué le hadith de Thawban qui est rapporté par Muslim, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se tournait après la prière, il faisait astaghfirullah trois fois, puis après il disait Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et comme Aisha radiallahu anha il a rapporté plus tôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça, puis après il se tournait. D'accord? Donc on va lire un dernier petit point, puis après on va s'arrêter. L'autre point qui est le point suivant. قوله فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لأن لا يدرك من انصرف منهن. Le cheikh il dit que lorsqu'il a terminé sa salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finit sa salat et qu'il y avait des femmes qui priaient dans la mosquée, il laisse le temps aux femmes de partir et les hommes restent un peu pour pas qu'ils se rejoignent, pour pas que les hommes puissent rejoindre les femmes sur le chemin. Et donc il laissait le temps aux femmes de sortir avant de sortir. Et il dit wa yadullu li dhalika hadith Umm Salama radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال القائل أحد الرواة نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال رواه البخاري ورواه النسائي ولفظه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. Donc le cheikh il dit يعني que lorsque il dit la preuve de qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est que dans le hadith de Salama qui est rapporté par Al-Bukhari, il dit que Salama a dit radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le salam, eh bien les femmes elles se levaient après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait son taslim, les femmes elles se levaient et les hommes restaient un peu à leur place avant de se lever, ils attendaient. Et un des narrateurs a dit, et nous voyons, et Allah sait mieux, qu'il faisait cela pour que les femmes puissent s'en aller avant que les hommes, avant que l'un d'entre les hommes puisse les rejoindre ou les rattraper sur le chemin. Rawahu al-Bukhari, c'est rapporté dans al-Bukhari. Et rapporté également par al-Nasa'i, qui dit que les femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles faisaient la prière, lorsqu'elles priaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles faisaient le taslim, elles se levaient. Et les hommes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam restait avec les hommes, avec ceux qui ont prié avec lui parmi les hommes, ils restaient, masha'Allah, un certain nombre de temps, puis lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait, les hommes se levaient. Donc il attendait un peu, il restait assis, les femmes elles partaient tout de suite. C'est ça l'exemple qui était mentionné à ce sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour le cours de fiqh, puis on expliquera la suite au prochain cours inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on va faire le cours maintenant de...